les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. It is only through Christ. Nur durch Christus. You see light. Sehen wir Licht. And you can be light. Und können wir Licht sein. Et c'est seulement à travers Jésus-Christ qu'on voit la lumière et qu'on peut marcher ou bien être la lumière. It means you are either light or darkness. Sind entweder Licht oder Dunkelheit. Et ça signifie que tu es la lumière ou les ténèbres. In Matthew 5:14. Matthieu 5, 14. Praise the Lord. Matthieu 5, 14. Matthieu 5, 14. Who knows what is here? Who will help us? Aqua, can you help us? Okay, Shams. Yeah. Okay. You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. Praise the Lord. Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être caché. Mm-hmm. He says you are the light. He himself is the light. And he says you are the light. Und er sagt, du bist das Licht. Maintenant, on vient de voir que lui-même, il a dit que c'est lui-même qui est la lumière. Mais ici, il dit que aussi que toi aussi, tu es la lumière. You are the light of the world. A city that is set on an hill. Mm. You can see what it said to what he is saying about you. Dites-moi ce qu'il vous dit. Ici, tu peux voir ce qu'il est en train d'essayer de te faire comprendre concernant ta personnalité. Nothing can hide you. Nichts kann dich verbergen und verstecken. Il dit qu'une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. They are going to see everything. Ça signifie qu'il n'y a personne qui est capable de te cacher. Tout le monde doit connaître, voir la lumière en toi. His promise is for you. Nothing can hide it. Nothing. Seine Versprechen für dich kann niemand verbergen. Ses promesses envers toi, il n'y a personne qui est capable de le cacher. Praise the Lord. Because of himself. In us. Wegen sich selbst und uns. Said, we are the light. Sagt er, dass wir das Licht sind. À cause de lui-même en nous. C'est pour cela qu'il est capable de dire que nous sommes la lumière. Parce que lui, il est la lumière, il vit en nous. Voilà. Praise the Lord. John 14. Johannes 14. Go to John 14. Jean 14. Amen. Amen. John 14, please. From verse 15. Johannes 14, vers 15. Jean 14, verset 15. 15 to 19. He said, if you love me, keep my commandments. And we are to know his commandment. His commandment is to believe him. Wir müssen sein Gebot kennen. Sein Gebot ist es, an ihn zu glauben. On doit comprendre ses commandements. Ses commandements, c'est de croire en lui. Are you getting it? Mm, so einfach, aber so unmöglich für den natürlich gesunden Menschen. C'est facile, mais c'est impossible pour l'être naturel. You know, he said, if you keep my commandment, his commandment, first John 3, help us to know what his commandment is. In 1. Johannes 3. Lernen wir, was sein Gebot ist. Sein Gebot ist, ihm zu glauben. Et dans, ça nous fait, Jean, 1 Jean 3, ça nous fait voir aussi que son commandement pour nous, c'est de croire en lui. Amen. Mm. And it's so simple to believe you. Okay, I believe you. Are you getting it? But without the holy power of the Holy Spirit, you cannot believe it. Und es ist einfach zu sagen, ich glaube an ihn, aber ohne die Kraft des Heiligen Geistes kannst du ihm gar nicht glauben. Et c'est facile de dire que oui, je crois à l'Éternel, mais sans la puissance du Saint-Esprit, tu n'es pas capable à lui croire. Praise the Lord. Hallelujah. If you love me, keep my commandments. Verse 16. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter. That he may abide with you forever. He's talking about the Holy Spirit. Je prie pour le Saint-Esprit. Et moi, je prierai à mon Père et il vous donnera le Consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et il parle du Saint-Esprit ici. Look at verse 17. He said, even the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because he seeth him not, neither knoweth he. They don't know the Holy Spirit. Sie kennen den Heiligen Geist nicht. Ils ne connaissent pas le Saint-Esprit. But you know him. For he dwelleth with you and shall be in you. Praise the Lord. Hallelujah. Because of the Holy Spirit inside us and outside us. Mit dem Heiligen Geist in uns und um uns herum haben wir das Licht. Sind wir das Licht? À cause du Saint-Esprit en nous, nous sommes et autour de nous, nous sommes la lumière. Christ never see us different from himself. Christus sieht uns niemals anders als sich selbst. Jésus-Christ ne nous voit pas différent de lui-même. You see it? He said, "I am the light," and he now said, "You are the light." Ich bin das Licht. He never see us different. Sagt er, we never see ourselves different from him. And which is so wrong. He said, "What?" We stay too long in Egypt. Too long in Egypt. We are too long. Praise the Lord. He never see us different. Er sieht uns niemals anders als sich selbst. Donc on voit que l'Éternel dit qu'il est la lumière, même pas Jean-Baptiste, hein, mais lui-même il est la lumière. Il dit que nous aussi nous sommes à la lumière à travers lui et le Saint-Esprit. Mais nous-mêmes, on n'est pas capable à le voir, on n'est pas capable à lui croire. On se voit toujours différent de lui-même et ça n'a pas de sens. He said in the Bible, he said, I go to my father, your father. My father, your father. Yeah, can you see it? He never see us different. What is the problem? Mm. Er hat gesagt, ich gehe zu meinem Vater, der auch euer Vater ist. Er hatte sich niemals von uns getrennt. Et lui, il s'est jamais séparé de nous. Parce qu'il dit que moi, je pars chez mon père qui est aussi votre père. Mais nous, on veut toujours nous-mêmes se séparer de lui-même. Again, it is risky coming to heaven and living there. Es ist riskant, im Himmel, in den Himmel zu kommen und dort zu leben. Et c'est pour ça que je vous dis encore, c'est vraiment riskant de venir dans le royaume des cieux et d'y vivre. Because heaven will expose you. Denn der Himmel wird dich entlarven. Parce que le royaume des cieux va révéler ton cœur en fait. Denn der Himmel ist Licht. Parce que le royaume des cieux c'est there's, la lumière. There's no darkness in heaven. Es gibt keine Dunkelheit im Himmel. Et il n'y a pas d'obscurité dans le royaume des cieux. Und dieser Himmel ist Christus selbst. Et le royaume des cieux soi-même, lui-même là, c'est Jésus-Christ lui-même. Again, light exposes darkness. Das Licht entblößt die Dunkelheit. Et la lumière est en train de révéler l'obscurité. Heaven will take a lot of things away from you once you come to Him. Why? Once I'm talking about heaven, I use Him because it's Christ. Amen. Der Himmel wird uns viele Dinge wegnehmen. Und wenn ich vom Himmel spreche, sage ich immer er, weil ich diesen Ort nicht nur als einen Ort sehe, sondern als ihn selbst sehe, als Jesus Christus sehe. Et quand moi je parle du royaume des cieux, je dis aussi lui. Lui parce que je parle de Jésus Christ lui-même et lui étant lumière, c'est pour cela, c'est un synonyme en fait. Praise the Lord. Amen. Because of the time has really gone. Amen. Amen. Daddy. I'll go a little bit then we close. Amen. Amen. Heaven will take away whatever is not of Christ in your life. Der Himmel wird alles, was nicht in, von Christus ist, in deinem Leben perfect. Wegnehmen. Es wird dich vollkommen machen. Et la lumière va vraiment te faire de toi parfait parce que c'est oui. C'est amen. Parfait. Amen. What Christ called perfect. Wait. Der Himmel wird alles, was nicht von Jesus aus seinem Leben nehmen ist. Okay. Mm-hmm. Sorry. Et le royaume des cieux va vraiment enlever tout ce qui ne vient pas de lui-même, du Christ dans ta vie, parce que lui, il est parfait, il n'a pas de shadow. Are you getting something? Shadow. D'ombre. Oui, il n'a pas d'ombre, il est parfait, il est vraiment clair et c'est pour cela qu'il va tout enlever ça, arracher le tout de toi. He will make you perfect. What Christ called perfect. Das, was Christus vollkommen nennt. Il va te faire parfait, ce que Jésus-Christ appelle parfait. On va lire Matthieu 5. Matthieu 5, verse 48. Matthieu 5, verse 48. Matthieu 5, 5, verset 48. Amen. Amen. You see that? Verse 48. Amen. Yeah. Matthieu 5, verset 48. I hope you. You know, soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. He will not tell you to become what he cannot make you to become. Il va te dire que tu vas être ce que tu ne peux pas. Il va jamais te dire de devenir quelque chose Be ye therefore perfect. Mama va te coûter. Il va pas te dire de devenir quelque chose comme que tu peux pas devenir. Que tu peux pas devenir, voilà. Praise the Lord. Alléluia. This is my song here. Come on. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Be ye therefore perfect, even as your Father which is in heaven is perfect. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. You can see the position he placed you. Is it ihr könnt hier sehen die Position, auf die er euch auf die er euch platziert hat, sehr hoch. Ici on peut voir la position là où il t'a placé, vraiment très haut, vraiment une position vraiment. It is a command that we are perfect. Es ist ein Befehl, dass wir vollkommen sind. C'est un commandement que tu es parfait. You cannot live in heaven and not be perfect. Wir können nicht im Himmel leben ohne vollkommen zu sein. Et tu ne peux pas vivre au royaume des cieux sans être parfait. Jesus told us how to be perfect. Jesus hat uns gesagt, go to Matthew 19. Et Jésus-Christ nous a fait voir comment être parfait. On va le lire à Matthieu 19. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 19, verse 21. Matthieu 19, verset 21. Praise the Lord. Hallelujah. It's getting harder. You see there. Jesus said unto him, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. If you are going to be perfect, it must be me alone. Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne les autres, les pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Et là, il veut te dire, et suis-moi. Et là, il veut te dire que si tu veux être parfait, tu dois être capable seulement à suivre l'Éternel, seulement à lui voir, seulement lui-même et pas rien d'autre à côté de lui. Willst du vollkommen sein, musst du dich vollkommen auf seine Vollkommenheit verlassen. Du kannst dich außerhalb von ihm nach Vollkommenheit suchen, nach Gerechtigkeit suchen. Money is the god of this world. Geld ist der Gott dieser Welt. L'argent, c'est le dieu de ce monde. Christ is the God of heaven. Aber Christ ist der Gott des Himmels. Mais le Christ, lui, c'est le Dieu du royaume des cieux. He said you cannot serve the two. Du kannst nicht beiden Göttern dienen. Et il a dit que tu peux pas servir les deux. He said your heart is going to belong to one. Dein Herz wird zu einer Welt gehören. Parce que si tu essaies de servir les deux, ton cœur va appartenir à un de ces deux. Are you getting it? Go and sell everything. Geh und verkauf alles. Get rid of them. Werde das los. And come and follow me. Und folge mir nach. Me alone. Mir allein. I want your heart to belong to me. Ich möchte, dass dein Herz mir ganz allein gehört. Donc il dit que tu dois apprendre à voir seulement être concentré à lui parce que ton cœur va seulement lui appartenir. Is somebody getting it? Mm-hmm. Money is the heart of man. Geld ist das Herz der Menschen. Et l'argent c'est c'est le cœur de l'être humain. Remember Mark 10. From verse 17. Amen. That man was so sad. Dieser Mann war so traurig. Et rappelez-vous à Marc 10. C'est en Marc 10, là où l'Éternel, Jésus-Christ, a répondu à un homme de tout laisser derrière lui. Et le monsieur, il était vraiment très, très triste. Look at it. Marc 10. From verse 12. We read from verse 17. We will not read all. We just go to some places. He said, and when he was gone forth into the way, there came one running and kneeled to him. He said, and asked the good master, what shall I do? Religiously. You know, people just come down kneeling. Religieux hatte sich hingekniet. Ici un religieux. Aller même comme Jésus était se mettant en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui, tout comme les religieux ces jours ici. Praise the Lord. Alleluia. And Jesus said unto him, why callest thou me good? There is no good but one, that is God. Thou knowest the commandment. Do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not Dieser Meister, also dieser reiche Jüngling, ist mit dem Gesetz zu Jesus gekommen. Er hat gefragt, was kann ich tun? Wie kann ich mir diesen Weg in den Himmel verdienen? Und hat Jesus ihm mit dem Gesetz geantwortet und gesagt, das kannst du tun, in deiner eigenen Gerechtigkeit, nämlich die Gebote halten. Et cet homme est venu avec la justice, ce que lui, il peut faire pour l'Éternel. Il a dit, que pourrais-je faire pour avoir l'accès au royaume des cieux? Et c'est pour cela que Jésus-Christ l'a aussi répondu selon la loi. Et il lui a dit que tu dois aussi faire ceci, cela, vu que c'est ce qu'il demandait. Because nothing you do can save you. Denn nichts, was du it's tun kannst, kann dich retten, geschweige denn heilig machen. Deswegen, es geht nur um ihn, ne? Nur das, was er getan hat. Mais on doit comprendre que rien, tu peux rien faire pour que tu puisses pour entrer dans le royaume des cieux. Il s'agit de ce que lui, il a fait pour toi. C'est ça qui va te rendre juste et pas ta propre justice. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. I'm so proud. Er war so stolz I've darauf. Done everything. Don't know how perfect I am. Amen. You don't know how perfect I am. I've done everything. Mm. Et lui, il a répondu, Maître, j'ai tout fait. J'ai tout obéi, tous les commandements. Et ça, tu vois que c'est ce que le monde appelle parfait. Then Jesus, beholding him, loving. You know, telling them the truth is love. In die Wahrheit zu geben, ist Liebe, auch wenn es bitter schmeckt, auch wenn es schmerzhaft ist. Et ici, Jésus-Christ lui a dit la vérité. Et c'est que Jésus-Christ appelle la vérité, c'est l'amour, même si ça fait mal. I said unto you, one thing thou lackest, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Verse 22. And he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possessions. Praise the Lord. Amen. Amen. Until you start blessing Christ's house, you have not started. Und erst wenn wir anfangen, das Haus von Christus zu segnen, sind wir auf dieser Reise auch. Et ici on voit comment cet homme était affligé des paroles de Jésus-Christ ici. Et c'est pour cela que je vous dis encore, si vous n'avez pas encore commencé à bénir la maison de Dieu, vous n'avez même pas encore commencé avec avec le chemin avec lui. Praise the Lord. Yeah. You know, a lady phoned me some time ago. I said, your church, they're just asking for money all the time. I said, amen. He said, yes. He said, kindergarten. He said, if even you are in social, I said, why not? I said, it's not the church. If you look at the church, the church is Christ. If Christ said, give me everything, will you not do that? If you don't believe in that church, get out. Mm. Are you getting it? Mm. Because is it that Christ or not? Amen. If you do not believe that it's Christ that is saying, bring it, then what are you doing there? Then I said, then since you are there, you obey. He said, eh? I said, yes. The spirit of him. Praise the Lord. Hallelujah. Und als eine Bekannte hat sie mich mal angerufen und sich bei mir beschwert, dass in ihrer Gemeinde darum gebeten wird, dass auch selbst wenn man nur von Hartz IV lebt, dass man selbst von diesem Hartz IV aus auch die Gemeinde segnen soll, auch von Kindergeld die Gemeinde segnen soll. Und das habe ich halt, und sie fand das halt richtig dreist und fand das frech und dachte, was soll das? Wieso wollen die auch noch mal, wollen die auch noch das mir wegnehmen, dies, das? Und habe ich gesagt, ja. Wenn deine Gemeinde Christus ist, ne, was ich für dich hoffe, dann tu doch das, was Christus dir sagt. Aber wenn du das, was Christus dir da sagt, nicht tun kannst, weil du dieser Gemeinde nicht vertraust, dass es wirklich um Christus geht, was machst du dann in dieser Gemeinde noch? Ne, dann verschwinde doch, geh doch da raus. Ne, anstatt dein Geld in deiner Tasche zu behalten und trotzdem dahin zu gehen, dir das anzuhören. Wen tust du damit einen Gefallen? Et il y avait une dame qui me disait que oui, dans notre église, ils veulent toujours demander de l'argent, beaucoup d'argent, d'argent, d'argent. Et il me dit que même si tu vis de social, tu dois être capable à bénir l'argent de la maison de Jésus-Christ. Et moi, j'ai dit à la dame, oui, évidemment, c'est vrai, c'est bien ce qu'elle dit, ce que la Bible dit, parce qu'il s'agit de ce que, si tu vois, c'est que l'Église dit comme la vérité, la parole de l'Éternel, là, tu dois obéir. Mais si tu ne vois pas ça comme la vérité, là, tu dois sortir de l'Église même, parce que tu n'es même pas capable à croire. Donc, si tu es dans cette église, tu dois être capable à croire que la parole qu'ils disent là, ça vient de l'Éternel. Si tu ne le fais pas, alors sors même de cette église. Praise the Lord. Alléluia. Et verse 23 of Mark 10. And Jesus looked around about and said unto his disciples, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God? And his disciples were astonished at his words. But Jesus answered again and said unto them, children, how hard is it for them that trust in riches to enter into the kingdom of God? Yep. Mm-hmm. It is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the kingdom of God. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Jésus-Christ dit ici que mais il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume des dieux. Il est plus facile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des dieux. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26, please. Thanks, Hans. And they were astonished out of measure, saying among themselves, who then can be saved? Who can be saved? Et les disciples s'en demandaient, mais qui est capable à être sauvé alors? Because they know themselves, they know how they love money. And they can't be saved, so this is together. I was there before. Leave. Les disciples s'en demandaient. Don't tell me anything, money. I hate you. Once you bring money, I fight you. Thank you, Jesus. Allow him to deliver you. Amen. Et les disciples se sont demandés, mais qui va alors être sauvé si c'est comme ça? Et maman dit aussi qu'elle-même aussi, elle a été aussi comme ça. Elle aimait beaucoup de l'argent et on doit vraiment permettre l'Éternel à nous délivrer. Praise the Lord. Halleluja. Und ich kann die Jünger verstehen, denn ich war früher auch so, ich habe Geld auch früher geliebt und war dahinter. Und jeder, der an mein Geld wollte, den habe ich gebissen. Also ich war da wirklich radikal. Aber heute hat mich der Herr davon befreit. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. I can remember when Papa and myself go to church. He want to bring 5 euros. I fight him for 5 euros. I say 1 euro. If it is more than 5, we will get on. We will fight throughout the day. If it is more than 1, I will just say 1. 1 is enough. Go. What are you doing? For what? But when the Lord delivered me, I will go and bless a ministry with 400, 500, without even telling him. Mm. It's so wonderful. Amen. The money, I no longer see it. I see Christ. Amen. And the money follow. Amen. Are you getting it? Und, allow money to look for you. Und damals, wenn wir in Gemeinden besucht haben und es da an der Zeit war zu geben, habe ich manchmal gesehen, wie mein Mann dann vielleicht einen Fünfer rausgezogen hat. Ich habe dann gesagt, nee, lass das bitte sein, 1 Euro reicht vollkommen aus. Ich habe dann die ganze Zeit diskutiert mit ihm und gesagt, nee, du gibst nur 1 Euro, nicht mehr. Und dann, als der Herr mich davon erlöst hat, habe ich 100er-Beträge gegeben, ohne ihm sogar davon zu erzählen. Und das ist wieder ein Beispiel davon, wie Gott einen Dieb zu einem Geber macht, ne? Der ihn verherrlicht. Und praise the Lord. En fait, je peux me rappeler aussi, il y avait eu un temps où quand mon mari, quand on partait à l'église, il donnait même 5 euros et j'ai discuté avec lui. Il a donné 5 euros à l'église et quand on est rentré à la maison, j'étais vraiment fâchée, en colère. Je lui ai dit que quand tu pars à l'église, donne 1 euro et pas 5. 5, c'est vraiment beaucoup. Et c'était vraiment leur vie quotidienne avant. Mais après, quand l'Éternel lui a délivré de l'amour de l'argent, elle a même commencé elle-même même à donner à l'église même 300, 400, 500 euros, même sans que papa puisse le savoir, en train de bénir différentes autres églises, en fait. Et c'est pour cela qu'on peut voir comment l'Éternel est capable de changer le cœur de l'être humain. Quelqu'un qui était voleur commence à être quelqu'un qui est capable à donner vraiment avec l'amour. Voilà. Und jetzt folge ich Jesus Christus und nicht mehr dem Geld. Und das Geld folgt mir sozusagen. Ne? Der Segen des Herrn ist hinter mir her und nicht umgekehrt, dass ich nach diesem Segen suche krampfhaft. Et maintenant, je suis capable à suivre l'Éternel. Et quand je suis l'Éternel, c'est de l'argent qui est en train de me suivre. C'est plus que je suis en train de... Hein? Non, c'est l'argent qui me suit et c'est plus le contraire en fait. Et c'est pour cela que vous devrez permettre à l'Éternel, vous devrez suivre l'Éternel. Afin que la bénédiction vous suit. Voilà, amen. He said, who there can be saved? I know Peter is the one saying that. Ich kann mir vorstellen, dass Petrus ist, der hier diese Frage stellt. Wer kann dann errettet werden? Je peux imaginer que c'est Pierre qui demande cette question parce que je le connais. Verset 27. And Jesus looking upon them said, with men it is impossible, but not with God. Amen. God the Holy Spirit, with the power of the Holy Spirit, all things are possible. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist alles möglich. All things. Jésus-Christ a dit que pour l'être humain, c'est impossible, mais avec Dieu, et ici, il dit que il parle de la puissance du Saint-Esprit, tout est capable, tout est possible. The Holy Spirit is the power of manifestation in the kingdom of heaven. Der Heilige Geist ist die Kraft der Manifestation im Königreich des Himmels. Le Saint-Esprit est la puissance de la manifestation dans le royaume du Christ. It's more important than even everything here on earth. Es ist wichtiger als alles hier auf dieser Erde. Et le Saint-Esprit, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Who don't have him, please. Wer ihn nicht hat, sollte ihn bekommen. La personne qui n'a pas le Saint-Esprit doit avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. The Holy Spirit. Without the Holy Spirit, nothing can be done here. Even the creation. If you go to Genesis 1. Is that without the Holy Spirit, God will not even create anything here. Mm-hmm. In Genesis 1, we can read it from verse 1 and 2. Mm-hmm. The Holy Spirit was present. Mm-hmm. And God had to speak it, then the Holy Spirit do it. Der Heilige Geist war anwesend, als diese Welt erschaffen worden ist. Das heißt, der Herr hat, also der Heilige Geist war notwendig, um diese Erde zu erschaffen. Gott, der Vater, hat es ausgesprochen, hat das Wort Jesus ausgesprochen. Der Heilige Geist hat es genutzt, ne, um das zu manifestieren, was der Herr ausgesprochen hat. Ne. Alle drei haben zusammengearbeitet. C'est déjà dans Genèse 1:1 qu'on voit que le Saint-Esprit est la manifestation du royaume des cieux, parce que on voit même que le Saint-Esprit était présent, et quand l'Éternel Dieu a parlé, et les choses sont manifestées à travers le Saint-Esprit. Donc c'est vrai, le Saint-Esprit est vraiment très important. C'est oui, c'est une évidence. Then Peter began to say unto him, Lord, we left all, we have left all. The fish business is gone. You know, remember he was a fisherman. No more fish business. Das Fischgeschäft war weg. Donc il a dit qu'on a tout, Pierre a dit que mais on a tout laissé derrière nous, dans tous ses business. Il était un pêcheur, non? Et son business des poissons, il a aussi laissé pour l'Éternel. We left all. Wir haben alles hinter uns gelassen. On a tout laissé derrière nous. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that have left house or brethren or sister or wife or husband or mother or father or wife or children or lands for my sake and the gospel, but he shall receive 100-fold now in this time houses and brethren and sisters. And is it that Christ is a liar or we believe him? Ici, si on lit ça, on doit vraiment se demander où Jésus-Christ est un menteur ou on lui croit. Donc, amen. Parce qu'il dit ici, les personnes qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement. Donc on va avoir 10 fois de plus si on laisse tout derrière nous en fait. Blessing! 100 fois de plus si. Until you start blessing Christ's house. You are not there at all. Erst wenn wir anfangen, Gottes Haus zu segnen, means your money is still your sind wir wirklich auf dem Weg, weil Sonst heißt das, dass unser eigenes Geld, unser Besitz immer noch unser Gott ist. Amen. Amen. Amen. Mhm. Have you said it? Okay. Nee, mach weiter, damit ich verstehe. Okay. Er hat gesagt, erst wenn wir geben, sind wir auf diesem Weg in Christus, sind wir auf diesem Rennen, sind wir Teil von diesem Rennen, weil sonst ist unser Besitz, unser Geld immer noch unser Gott. Et c'est pour cela, c'est vraiment important de donner à la maison de l'Éternel, parce que dès que tu es capable à te soumettre à l'Éternel et d'être obéissant et de donner, c'est là que tu commences à faire cette course comme lui il veut que tu puisses le faire. Christ has. Oui. L'argent est toujours ton Dieu. Oui, vu que l'argent c'est le Dieu de ce monde, sinon l'argent va continuer à être le Dieu de oui, ton, va, Dieu. Ton Dieu, oui. Praise the Lord. Christ's house is always there. Das Haus von Christus ist immer da. Parce que la maison de l'Éternel est toujours là. There's a difference between blessing man and blessing Christ's house. Es ist ein Unterschied zwischen einem Menschen segnen und das Haus Gottes segnen. Parce qu'il y a une différence entre bénir l'être humain ou bénir la maison de l'Éternel. You know, in this church we have blessed man and a lot, and you know, to bless them they go. But Christ's house remained there. Amen. Are you getting it? Ja, in diesem Haus haben wir schon oft Menschen gesegnet und diese Menschen sind aber dann irgendwann gegangen. Aber das Haus von Gott ist, wir segnen das und es bleibt. Dans cette église, par exemple, on a beaucoup aussi, on a aussi béni beaucoup de personnes et ces personnes sont parties. Mais cette maison, ça reste encore ici. Ça ne part pas. Praise the Lord. Hallelujah. Please come to Christ as you are. Komm bitte zu Christus, wie du bist. C'est pour cela, c'est vraiment important que tu puisses venir vers l'Éternel comme tu es. Come to him as you are. You don't need to clean. If you can clean yourself, you don't need to come to him. Wenn du dich selbst heilig machen kannst, du brauchst nicht zu ihm zu kommen. Viens vers l'Éternel comme tu es. Tu n'as pas besoin de devenir mieux, bien parfait avant de venir vers l'Éternel. Parce que si c'était comme, si c'était le cas, tu n'allais même pas avoir besoin de Jésus-Christ. And don't harden your heart. Stop hardening your heart. Und hör auf dein Herz zu verhärten. Arrête d'endurcir ton cœur. We close with Hebrew. On va clôturer avec Hébreux 4, 3 et 4. Amen. Don't harden your heart. Stop it. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Amen. It's not just hearing the word, it's obeying the word. Es ist nicht nur das Wort hören, sondern das Wort, dem Wort. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, d'entendre la parole de Dieu. Il s'agit aussi d'obéir à ce que tu entends. Hébreux 4. First of all, Hébreux 3. Hébreux 3. Verset 7, please. Verset 7. Hébreux 3, 7. Hébreux 3, 7. Hébreux 3, verset 7. Verset 7 à 8. Amen. It says, wherefore, as the Holy Ghost said, today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation in the day of the temptation in the wilderness. Don't do the same thing that tu nicht das gleiche, ne? Fall nicht in die gleiche Grube wie sie. C'est pourquoi là, selon que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans le désert. Praise the Lord. Amen. When your father is tempted in verse 9, let us just add that. And provoke him and stop his walk for 40 years. Praise the Lord. Amen. Through their desire. Durch ihre Wünsche. Pas comme les gens les à travers où vos pères tentèrent pour m'éprouver et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Oui, à travers leurs désirs, ils étaient vraiment oui. Yeah. Praise the Lord. Also verse 15 please of Hebrews 3. Hébreux 3 15. Hébreux 3:15. He said, "Why it is said today, if you will hear his voice, harden not your heart, as in the provocation." Is somebody getting it? Harden not your heart. Verhärtet nicht euer Herz. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Donc, c'est vraiment une évidence. Amen. Amen. If you look at Hebrew 4 also, verse 1 and 2, he said, let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. Amen. Praise the Lord. So go to James. Go to James. Amen. James 1. Can I first of all read this one? Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole de leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui entendirent. Praise the Lord. Alleluia. It is not just hearing the words. Amen. Mm-hmm. It is obedience is better than sacrifice. Denn Gehorsam ist besser als Opfergabe. Et comme on sait que l'obéissance c'est mieux qu'un sacrifice, c'est ça, c'est pour cela qu'on voit ici que il ne s'agit pas seulement d'entendre la parole, il faut vraiment le mélanger avec la foi et d'y croire et d'obéir. You have been hearing the truth since. Tu as la vérité gehört. Toi, tu as écouté et tu as entendu la vérité. Obey it and let it purify your soul. Und lass zu, dass sie deine Seele reinigt. Tu dois obéir la vérité et vraiment autoriser la vérité de purifier ton âme. Before we come here, go to 1 Peter 1. 1 Peter 1. Some of you Pierre, are new here. Amen. Mm-hmm. 1 Peter 1. Praise the Lord. Mm-hmm. Verse 22. 1 Pierre 1, verset 22. He says, since you have purified your soul in obeying the truth, how to clean the inside, the middle part of you. Your spirit is of salvation. Once you pray the prayer, your spirit is saved. But your soul is going to work against you as far as it is still of this world. You purify your soul by obeying the truth, believing Christ and obeying his voice. The message here is the voice of Christ. Du reinigst deine Seele, indem du der Wahrheit zuhörst. Diese Wahrheit ist die Botschaft von Christus, der du heute hier zuhörst. Ici, ça nous fait voir aussi qu'on purifie nos âmes en obéissant à la vérité de l'Éternel. Et le message que tu entends ici, c'est la vérité. Et à travers ça, ça va t'aider à purifier ton âme. James 1, verse 22 to 25. Jacques 1, verset 22 à 25. Jacobus 1, 22-25. Be ye doers of the words of the word, and not the hearer only. Mm. You see that? Mm. Deceiving your own selves. Mm. A lot deceive themselves. Denn viele machen sich selbst was vor. Mm. Ici, mettez en pratique la parole, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont entrées... ils se trompent eux-mêmes, voilà. You know, until you hear the word and believe it and obey it, your faith is a dead faith. Wenn wir das Wort hören, aber nicht daran glauben, ist unser Glaube ein toter Glaube. Si tu entends la parole, mais tu n'y crois pas et tu n'agis pas ainsi, là ta foi, elle est une foi morte. Are you getting it? A perfect faith. It's a faith that hear the word and obey the word. Das ist ein Glaube, der die Wahrheit hört und der Wahrheit gehorcht, umsetzt. La foi parfaite, c'est une foi qui entend la vérité et obéit à la vérité, se soumet à la vérité. It's a busy doers of the world and not hearer only, deceiving your own selves. Prove yourself if you have been deceiving yourself. Mm-hmm. Prouve pour toi-même que tu as fait ce vorgemacht hast. Et ici, tu dois vraiment toi-même raisonner et savoir si tu te trompes toi-même. Are you getting it? Par a lot have been deceiving themselves. Denn viele haben sich schon selbst vorgemacht. You cannot even deceive come on, Satan. Gott, nichts vormachen, geschweige denn. Du kannst dem Teufel nichts vormachen. Ne? Der so au geschweige denn dem Herrn. Mm. Donc tu peux, il faut, c'est vraiment important que tu puisses raisonner et ne pas te tromper toi-même, parce que tu peux même pas tromper le diable. Combien à plus forte raison es-tu capable à tromper l'Éternel? Remember those three men that wanted to deceive Satan. And Satan said, Jesus, I know, Paul, I know, who are you? You cannot deceive me. Not even me. You cannot deceive yourself. I know you. Praise the Lord. Amen. Satan knows you more than you know you. Erinnert euch an diese drei Brüder, die versucht haben, dem Satan was vorzumachen, aber der Teufel hat direkt gesagt, Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, wer seid ihr? Und er hat sie hochgenommen, ne? Er hat sie halt wirklich in die Flucht geschlagen, und der Satan sagt, ich kenne euch, ihr könnt mir nichts vormachen. Il y avait même un homme qui voulait même, qui est venu vers le diable, ou bien des mauvais esprits qui voulaient agir dans le nom de Jésus-Christ, et le diable lui a dit, mais Paul, je le connais, Pierre, je le connais, mais toi, qui es-tu? Donc ça signifie que lui, il était convaincu qu'il agissait à travers la parole de l'Éternel, mais le diable savait que tu étais en train de te tromper toi-même. Verse 23. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, that is Christ's law. Das Gesetz von Christus. Ici parle de la vérité de Jésus-Christ. He be not a forgetful hearer, but a doer of the work. This man shall be blessed in his deed. There's nothing to confuse anybody here. Hier ist nichts, was man zweideutig oder verwirrend lesen muss. Es ist ganz klar geschrieben. Ces paroles sont vraiment très claires. Praise the Lord. Hallelujah. Please don't deceive yourself. Macht euch bitte nichts euch vor. Macht euch bitte nicht was vor. Ici, je vous en prie de ne pas vous tromper vous-même. Quoting the Bible is not Christ. Die Bibel zu zitieren bedeutet nicht Christus. Seulement parce que vous savez citer la Bible, ça signifie pas que c'est Jésus-Christ. To know everywhere the Bible does not mean you are saved. Die Bibelstelle zu kennen heißt nicht, dass du errettet bist. Connaître les passages, les versets bibliques, ça signifie pas que tu as la vérité. The question is, are you really saved? Die Frage ist, bist du wirklich errettet? La vraie question est que es-tu vraiment né de nouveau, sauvé? You know, we have a song. People even sing it yesterday. Jesus is coming back. He's coming back. Amen. He's coming back. Are you sure that once he comes right now, you will be part of it? Und auch gestern, wir haben das Lied leider nicht gesungen, aber da geht es darum, dass Jesus Christus zurückkommt. Und die Frage ist, bist du dir sicher, dass wenn er zurückkommt, dass du Teil davon bist? Oder bist du einfach nur ein Zuschauer, der traurig zurückbleibt? On chante aussi souvent la chanson que Jésus-Christ va revenir et retourne. Mais que toi, tu dois vraiment te prouver, t'examiner toi-même. Est-ce que tu es sûr que quand il va venir, que tu vas aussi partir avec lui, que tu es vraiment, tu seras avec lui? Et pas seulement être un téléspectateur. Are you sure? Je suis sûre. Est-ce que tu es sûr? Amen. We have to be very sure. Nous sommes très sûrs. On doit être sûr de nous que quand if il vient, on va partir. If you are not sure, you better come out. Si tu es sûr, dans bête la scribe libre normal. Si tu es sûr, c'est bon. Mais si tu n'es pas sûr, tu dois vraiment sortir, venir devant et prier avec nous la prière du salut. Praise the Lord. Amen. We have to be very, very sure. Nous sommes vraiment sûrs. On doit vraiment être très sûrs de nous. I always tell people, if you see me here, know that Jesus has not come. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr mich hier noch seht, dann wisst ihr, dass Jesus noch nicht gekommen ist, um seine Leute abzuholen. Et je dis toujours aux gens que si vous me voyez ici, ça veut dire que l'Éternel n'est pas encore venu pour ramener les siens. So once you wake up, quickly come and see me. Wenn du aufstehst, klopfe mir an der Tür an. If I see here, then you know that Jesus has not come. Da bin, weil wenn ich noch da bin, dann war er noch nicht da, um uns alle mitzunehmen. Et si tu continues à me voir, tu dois être sûr que l'Éternel n'est pas encore retourné. C'est comme ça que je suis sûr que oui. The kingdom of heaven is a kingdom that you have to be sure. Das Königreich des Himmels ist ein Königreich, bei dem du dir sicher sein musst. Le royaume des cieux, c'est un royaume là où tu dois vraiment être sûr que tu y appartiens. There's nothing like maybe. Da gibt's kein vielleicht. Il y a rien comme oui, I'm peut-être. Not very sure, maybe. Unsicherheit. Ou bien ben, je suis pas sûre, je pense. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. C'est un royaume de certitude. We'll quickly go through them with clothes. Amen. Amen. We thank the Lord for yesterday's celebration.